Les centaures, troisième partie. Plusieurs fois, selon le rythme immémorial, les saisons ont succédé aux saisons et, tour à tour, ont décliné pour renaître. Plusieurs fois, les trois tribus ont vu la splendeur de l'automne s'éteindre dans la tristesse grise des pluies. Parmi les forêts dénudées, les bises aigres d'hiver ont fait tournoyer les feuilles mortes et tout ce qui vit s'est réfugié dans les fourrés toujours verts ou dans les bois où les yeuses, les pins, les oliviers et les orangers gardent l'abri durable de leur feuillage. Et les centaures cheminant sous les cimes chauves des grands chênes, des hêtres et des châtaigniers, n'ont plus entendu pendant de longues semaines que les cris rauques des loups en rue et des sangliers, ou la chanson vaillante du rouge-gorge et du pinson obstiné. Puis, de nouveau, l'air s'est tiédi. Des souffles chauds ont mis la joie au cœur des bêtes. On semait de fleurettes les prés renaissants, posait des bourgeons aux aisselles des rameaux. Et quelques rayons de soleil ont épanoui la gloire parfumée du printemps. La forêt a revêtu sa beauté verte renouvelée. Au milieu de champs d'allégresse, les oiseaux ont construit leur nid. Gambadant à travers les feuillages tendres, les quadrupèdes se sont réjouis de la renaissance de toutes choses. Sur les tapis de gazon neuf, les faunes ont repris leur danse. Sous la caresse vivifiante de l'astre paternel, les cœurs des centaures se sont dilatés. Et aux approches du solstice d'été, quand une sève plus généreuse monte dans les troncs insensibles des arbres, quand, à la grâce fragile des fleurs, succède sur toutes les branches la savoureuse maturité des fruits et des baies, les dominateurs sentent passer dans leurs veines le feu qu'ils ont reçu du soleil, et l'instinct sacré de la reproduction tressaille dans leurs flancs. Étincelant, les yeux des mâles demeurent attachés aux formes arrondies des femelles qui frémissent sous leurs regards. Quand la horde aux six membres revient le soir des champs de Reiki, volontiers des couples s'écartent de la route accoutumée. Avec un rire nerveux, la femelle s'élance à travers les halliers. Le mâle bondit après elle. Longtemps ils se pourchassent l'un l'autre, se dérobent et se rapprochent tour à tour, jusqu'à l'instant où, consentante et essoufflée, la femelle se laisse rejoindre et s'abandonne. Côte à côte, tous deux, à la nuit tombée, regagnent le refuge des grottes. Les regards bienveillants des vieux accueillent leur retour. Or, cette année, voici qu'avec des hochements de tête mécontents, Crêpes aux cheveux de neige et Urico, trottinant à la suite de leurs frères, au retour des champs nourriciers, se remémorent les temps d'autrefois et s'affligent combien a décliné l'ardeur antique de la race. Jadis, aux environs du solstice, c'était par dizaines que les couples s'éloignaient de la horde et demandaient aux fourrés d'abriter leurs amours fougueuses. Nul mâle n'eût été satisfait qui, à chaque saison, n'eût approché les plus belles des centauresses. Et celles-ci auraient eu honte de se dérober, tant qu'en leur flanc, elles n'avaient point senti le tressaillement précurseur d'une naissance au printemps prochain. La coutume, tous les vieux pourraient l'attester, était d'enfanter une année sur trois, sur quatre ou plus. Ainsi se perpétuait la tribu. Urico, pour sa part, a mis au monde 800 taurins. Deux sont nés de l'amour de Krebs. En souriant, les vieux réveillent ce souvenir, bien qu'un nombre très grand d'années se soit écoulé. Maintenant, tout est changé. Certes, à l'éclosion de l'été, le feu du désir bout encore dans les moelles des centaures. Ils recherchent davantage la compagnie des femelles, se défient à des jeux violents, en viennent plus facilement aux mains, jaloux de prouver leur prééminence. Mais, pour forcer les faveurs des belles, ils n'ont plus les fureurs d'autrefois. Yuriko se souvient comment, par caprice, ou parce qu'elle préférait la Claresse de Clévorac, elle se refusa un jour à Krebs et prit sa course à travers la lande. Avec quelle rage le mâle se précipita sur sa piste chaude. Pendant plusieurs heures, elle se déroba à sa poursuite. Quand, épuisée et hors d'haleine, elle sentit ses jarrets fléchir, elle se retourna, le frappa au visage de ses poings fermés, le mordit à pleines dents. Mais la main énorme de Krebs s'abattit sur sa bouche, tordit ses bras, la précipita pantelante sur la mousse. C'est de cette étreinte qu'est né Kaplam, le vaillant. Maintenant, il n'en va plus ainsi. Quand les centauresses capricieuses rebutent leurs désirs, les centaures ne savent plus les contraindre. Au lieu de les conquérir par violence, ils usent de paroles vaines, ils sollicitent, ils s'attristent, ils attendent, ils oublient. Jadis, c'était plutôt par jeu, par timidité, que les vierges feignaient de se refuser. Elles eussent rougi de ressembler aux faunes dont la salacité est toujours éveillée. Mais dans leur cœur, elles souhaitaient l'approche du mâle, et, malgré leur légèreté à la course, elles se laissaient vite rejoindre. Maintenant, elles sont bien souvent sincères. C'est obstinément qu'elles demeurent au milieu de la horde et qu'elles dédaignent les invites ardentes de leurs frères. Krebs et Yuriko hochent de nouveau la tête et soupirent. Par ce radieux après-midi, où chante la joie de vivre, dans la forêt imprégnée de parfums et de cris d'amour, aucun couple ne s'est écarté. Et les regards des vieux vont vers un groupe de centaures qui se pressent autour de Cadilda. Elles sont là une douzaine, les plus belles de la tribu. Leurs torses minces et robustes dominent la robe lustrée de leur bas-corps. Les panaches ondoyants de leur queue balayent leurs jarrets. Les yeux défiants, masqués en signe de refus derrière le rideau tiré des cheveux, les mains armées de bâtons, elles se serrent les coudes et cheminent côte à côte sans tourner la tête. En vain, autour d'elles, Haïdar, Arc, Kaplam, les plus vigoureux des mâles, font assaut de sourires, de propos brûlants et de gestes prometteurs. Au seul aspect de leur désir, Yuriko sent encore craquer ses vieilles moelles. Mais les jeunes folles ne daignent pas les écouter. Et Krebs opine. Cadilda est coupable. Car c'est elle, la première, qui, depuis des années, se refuse à l'amour. Il est sans précédent qu'une centauresse de son âge et de sa beauté soit encore vierge. Or, chaque été, avec la même opiniâtreté, elle repousse le beau Haïdar, qui, humilié de son échec, méprise tout autre et maigrit. Et comme si la faute de Cadilda était contagieuse, plusieurs, suivant son exemple, se comportent comme elle. Et de cela, le dommage est grand. Jadis, caracolant au hasard sur leurs longues jambes, leurs bras maigres toujours en mouvement, pirouettant et cabriolant sans relâche autour de leurs aînés, centaurins et centaurines étaient l'espoir et la gloire du peuple aux six membres. Or, voici, la chose est incroyable quand on y réfléchit. Voici que deux saisons se sont écoulées sans qu'une centauresse ait mis bas. Tandis qu'au contraire, depuis la mort de Papa Cal, quatre centaures ont nourri les mangeurs de chair. La dernière, Pétina, l'aïeule, a été trouvée morte un matin d'hiver. Et Yuriko, dont l'esprit est toujours attentif, raisonne. Si les femelles n'enfantent plus, et si chaque année quelqu'un du peuple ou six membres demande la mort, notre force sera diminuée. La justesse de cette pensée frappe grandement Krebs, qui, plusieurs fois, passe sa main dans sa barbe issurte. Pourtant, parcourant de l'œil la multitude des galopeurs, il se rassure. Un jour, Clévorac a voulu faire le dénombrement de son peuple. Un à un, il a appelé ses frères, levant un doigt pour chacun, et quand les 10 doigts étaient levés, Urico levait un des siens et Clévorac recommençait son calcul, et ainsi de suite. Or, les 10 doigts de Urico se sont trouvés levés avant que la horde ait achevé de défiler. Un peuple qui se compte par plus de 10 fois 10 est innombrable. La vieille ne peut contredire à ce souvenir, mais son esprit reste mécontent. Que les jeunes femelles persistent dans leur folie, un jour viendra où le moins savant dénombrera le peuple sur ses doigts. Il faut que Clévorac donne un ordre, qu'Adilda est sa propre fille. Il a doublement le droit de lui commander. Qu'il lui prescrive de ne point se refuser à Haïdar, les autres l'imiteront. Et au lieu qu'en ce moment Mimite seule est enceinte, l'été prochain plusieurs centaurins ouvriront leurs yeux troubles au soleil. Les roches rouges apparaissent. Le regard irrité de la vieille parcourt les rangs des mâles et des femelles. Ils sont tous là. De dégoût, Urico gonfle ses joues et crache par terre. Clévorac s'approche d'elle. Les années qui passent laissent intacte la vigueur immuable de son torse. Seulement, ses cheveux sont plus blancs et sa barbe descend davantage sur sa poitrine musclée. L'œil de Urico s'allume à le regarder. Il rit et lui frappe sur l'épaule. « Vieille Urico, pourquoi es-tu en colère ?» D'un geste courroucé du menton, la vieille lui désigne les centaures dispersés sur la plage. Les jeunes femelles sont accroupies toutes ensemble à l'écart. Parmi les mâles, les uns se baignent, d'autres sont couchés paresseusement sur le sable. Les plus ardents rivalisent au saut ou à la lutte. Tous ont oublié le glorieux devoir du solstice. « Clévorac, dit la vieille, je m'afflige parce que les jeunes ont perdu le goût des caresses fécondes. » Le visage du chef s'assombrit et, machinalement, il se gratte les côtes. Enhardi, Urico donne libre cours à ses doléances. Elle gémit de la réserve hostile des femelles, de la mollesse des mâles, de la menace obscure suspendue sur la race. Et, comme le chef ne répond point, elle glapit en branlant sa tête osseuse. « Prends garde, Clévorac, que la force de ton peuple ne décroisse et que, bientôt, semblables aux bêtes farouches, les derniers des centaures nerfs mélancoliques dans les forêts, jusqu'au jour où ils blanchiront leurs os solitaires. » Le dominateur s'irrite et hausse les épaules. Que peut-il faire? Aucune loi laissée par les ancêtres ne prescrit le devoir d'amour. La vieille fouette ses flancs pelés de sa queue pour en chasser les mouches tenaces et riposte de plus belle. Tout le mal vient de Cadilda. C'est elle qui la première a repoussé les mâles. Que Clévorac brise son orgueil. Quand elle aura cédé, les autres se soumettront comme elle et le mauvais sort sera conjuré. Et, comme le chef se tait toujours, Urico ajoute « Quelle serait ta honte, Clévorac, si à cause de toi, le peuple affaibli des centaures allait succomber un jour sous la multitude des écorchés ?» Un éclair de colère passe dans les yeux sombres du chef et la vieille comprend qu'elle est allée trop loin. Mais elle n'a insisté que pour stimuler la volonté de Clévorac et lui-même le sait. Il réfléchit profondément et, tout à coup, comme se parlant à lui-même, il murmure « Tu as pensé sagement, je commanderai. » Et le soir, tandis que les mâles, éparpillés sur le sable, se livrent à leurs jeux accoutumés, il s'approche de Cadilda solitaire et lui dit « Enfant, écoute mes paroles. » Elle incline docilement la tête. Le chef parle. Les mots sortent difficilement de son gosier. Peut-être est-ce à cause de la somnolence qui, chez les centaures, suit de près la tombée de la nuit. Peut-être, pourtant, il aurait plus de peine encore s'il lui fallait soutenir le regard de la Vierge. Il rapporte la pensée de Urico et en approuve la sagesse. Il est contraire à la nature qu'une centauresse fuit obstinément l'approche des mâles. Haïdar, le plus beau de tous, la recherche depuis plusieurs saisons. Si, par un caprice, elle ne veut point de lui, qu'elle en choisisse un autre. Mais il est nécessaire que, l'an prochain, le chef futur de la horde naisse de son ventre. Contre son flanc, Clévorax sent frissonner le flanc de sa fille. Et dans la nuit, s'envole la réponse indignée de la Vierge. « Jamais !» La colère monte au visage du roi. Est-ce que celle qui est née de ses reins oserait désobéir à sa voix? Il lui a été pénible de commander, mais ses commandements sont sans appel. D'une voix de menace, il interroge. « Prétendrais-tu me résister? Demain, je ne mène point mon peuple au champ de Reki. Mais le jour suivant, soit à l'aller, soit au retour, tu t'écarteras de la sente et Haïdar te suivra. » Doucement, sans regarder son père, la Vierge répond, le visage calme. Tant qu'elle vivra, ta fille ne désobéira point à ton ordre. Mais Clévorac ne commande point aux morts. À l'aurore d'après-demain, plutôt que de subir la caresse de Haïdar, je gravirai la cime des roches rouges et me précipiterai sur le sol. La stupeur ferme la bouche de Clévorac. Si loin que remonte le souvenir, jamais de telles paroles ne sortirent des lèvres d'un centaure. La mort est le terme naturel de la vie quand les forces de l'être sont épuisées. Mais que, dans la fleur éclatante de la jeunesse, la Vierge l'invoque, est une action aussi inconcevable que serait celle de déchirer sous ses dents une chair palpitante. L'esprit de Clévorac s'est fatigué dans de telles méditations. Un vertige le trouble. Il quitte la Vierge sans parler et regagne l'abri des grottes. Parmi le peuple aussi membre, une allégresse est née à l'aube. Voici que, geignante, Mimite la Lezanne se tord sur le varech. Les vieilles, assemblées autour d'elle, l'examinent et, à des signes certains, elles reconnaissent les premières douleurs de l'enfantement. Quelques instants encore, et la force du soleil revivra dans un nouvel être. Avec des ricanements jaloux, les mâles félicitent Arc le Rude, dont la caresse a été féconde. Et bien que le géant roux affecte l'insouciance, une joie orgueilleuse et anxieuse à la fois amollit sa dure poitrine. Jadis, une naissance n'était point un grand événement. Mais Clop, le cadet de la tribu, est bientôt adulte, car les centaurins qui naquirent après lui sont morts avant de savoir paître, et depuis 2 ans, aucun n'a vu le jour. Aussi, toute la horde attend avec impatience l'instant solennel. De temps en temps, ceux qui jouent sur la grève s'approchent de l'entrée de la grotte où Mimite est demeurée sous la garde des vieilles. Ceux qui font la cueillette des fruits ont recommandé à leurs frères de les appeler. Clévorac éparpille le sable sous ses pieds et son regard se détourne, chargé d'orage, quand, par hasard, il tombe sur la Vierge blanche. Seule de son peuple, Cadilda est indifférente. Aucune curiosité ne l'émeut du petit être attendu. Sa pensée va à l'étreinte dont il est issu et le dégoût plisse sa lèvre. En son âme demeure vivante la volonté qu'hier elle a affirmée. Elle mourra plutôt que de subir l'approche de Haïdar ou de tout autre. Afin d'être seule avec ses pensées, elle est entrée jusqu'au poitrail dans la mer et, machinalement, elle contemple son visage que déforme à peine l'onde calme. Une tristesse infinie pèse sur elle. Elle se rappelle les larmes qui jaillirent de ses yeux rougis le soir où, pour la dernière fois, elle a vu l'enfant Naram. Mais l'eau clapote à côté d'elle. Une face hilare se dresse au-dessus d'un torse ruisselant. Et Oyotoro, le triton, rit d'un large rire qui gargouille parce que la centauresse a tressailli. Puis il plonge de nouveau et file à toute vitesse à la poursuite des muges éperdues. Des profondeurs de l'antre, un cri de douleur s'est échappé. Les mâles s'assemblent à l'entrée. Clévorac est debout. Cadilda elle-même sort de l'eau et s'approche. La vieille Babidame apparaît un doigt sur les lèvres. Bientôt le nouveau-né verra le jour et Clévorac le recevra des mains de Urico pour le présenter au soleil. Les centaures attendent en silence. Les gémissements de Mimite se succèdent sans relâche, entrecoupés de cris plus aigus. Et, tout à coup, un hurlement déchirant redresse les têtes. Satisfait, le vieux Crêpe s'approuve. Il a reconnu la plainte suprême de la mer. Tout à l'heure, le centaurin étonné essaiera sur le sable ses membres vacillants. Il s'appellera Karam. Le silence s'est fait plus grave. Les coups se tendent. Un murmure passe. Dans l'ombre se dessine Urico, la mère du peuple. Elle tient une forme allongée. Un grand rire bruit parmi les centaures. Les mains s'entrechoquent. Arc écarte ses frères et bondit en avant. Il recule avec une exclamation. Sur les bras maigres de la vieille, gît un corps inerte. Elle le dépose aux pieds de Clévorac et dit d'une voix qui chevrotte. « Clévorac, affermis ton cœur, les yeux du nouveau-né ne verront point le soleil. » Consternés et pensifs, les centaures contemplent la forme chétive du centaurin. Son petit visage rouge, ses petits bras aux mains plissées, son torse ridiculement bombé et ses longues jambes qui ne le porteront pas. Clévorac soulève la tête bouclée sur sa paume et la laisse retomber sur le sable. Affaissé, le visage dans ses mains, Arc gémit indéfiniment. Et sa douleur résonne dans le cœur de ses frères, qui ne connaissent pas de mots pour le consoler. Mais de la grotte, une autre lamentation répond à la sienne. Et Babidame apparaît de nouveau, se tordant les mains, le visage grimaçant. De quel malheur est-elle la messagère ? Fortifie ton cœur, Clévorac, les yeux de Mimite ne verront plus le soleil. Et derrière elle, éplorée, voici les autres centauresses. Elles portent entre elles le corps de Mimite, le déposent doucement à côté de celui de son petit. Une stupeur glace toute la tribu, et l'âme de Clévorac est mordue d'une grande souffrance. Mais, d'une poussée, Arc bouscule le groupe des femelles. Il s'agenouille près des deux cadavres et les flaire. Puis, brusquement, il se relève et, les poings serrés, piétinant le sol, il éclate en imprécations. Il maudit les vieilles qui ont soigné Mimite, il maudit le nouveau-né, il maudit Mimite elle-même, il maudit l'amour. Les injures se pressent sur ses lèvres, il menace Urico de l'étrangler de ses propres mains. Ces insultes vont jusqu'à Clévorac. La folie enflamme son cerveau. Les mâles se préparent à défendre les anciennes contre ces violences. Mais, tout à coup, sa fureur change d'objet. Formidable, cabré de toute sa hauteur, les poings tendus, il outrage le soleil et, se baissant et se levant tour à tour, il ramasse des pierres énormes et, de toute la force bandée de ses muscles, il les lance vers l'astre en vomissant un torrent de blasphèmes. Puis, la bouche écumante, arrachant sa barbe et ses cheveux, il se jette sur le sable et se roule en mordant des pierres. Une telle conduite n'est point digne des centaures respectueux de l'ordre éternel des choses. Mais, dans la mélancolie qui les enveloppe, nul ne tente de rappeler Arc à la raison. Tristement, quatre des plus vigoureuses enlèvent le corps de Mimite, deux autres se chargent du centaurin et ils vont les abandonner sur la lisière du bois, afin que, selon la règle, les morts servent à nourrir la force des vivants. Mais quand il les voit décharger leur fardeau, Arc s'élance vers les porteurs et les chasse. Et, farouche, tout son poil hérissé, il s'étend seul auprès des deux cadavres. De ses mains, il tient un gourdin, et ses yeux enflammés parcourent les alentours. Par l'effet du délire qui brûle ses veines, Arc méprise l'ordre de la loi éternelle. Avec d'affreuses imprécations, il déclare que, lui vivant, nul des mangeurs de chair ne portera la dent sur Mimith ou sur Karam. Si terrible est sa douleur qu'elle ravale l'âme du centaure aux viles passions des écorchés. Clévorac ordonne de ne point contrarier sa rage. Demain, Arc recouvrera ses esprits et s'inclinera devant la justice. Les fauves attendront 24 heures le repas qui leur est dû. Pendant tout le jour, un sombre nuage obscurcit l'âme joyeuse du peuple roi. Les entretiens n'ont pas leur gaieté coutumière. Les jeux sont abandonnés. Les fruits mûrissants paraissent sans saveur. À peine des mots brefs s'échangent d'un ton assourdi. Jusqu'après le coucher du soleil, Clévorac demeure tout seul allongé sur la grève, le visage rigide, l'œil perdu dans le lointain, comme si son intelligence s'efforçait de poursuivre ses pensées au-delà de leur terme ordinaire. Et alors, une voix parle à son oreille. « Père et chef, est-ce bien ton ordre que demain, au retour des champs de Reiki, j'obéisse au désir de Haïdar ?» La Vierge ne dit rien de plus, mais son accent est grave, et Clévorac saisit le sens de ses paroles. Son cœur se fond, et, sans répondre, il cache son visage dans ses fortes mains, et ses larges épaules tremblent avec des mouvements convulsifs. La centauresse blanche s'agenouille auprès de son père, passe les bras autour de son cou et pose la tête sur son épaule. Leurs cœurs battent si près l'un de l'autre que chacun ne sait plus quel est le sien. Et des pensées confuses et formidables se lèvent autour d'eux et projettent sur eux une ombre froide. Et le vieux centaure, tout d'un coup, sent l'âge peser lourdement sur sa tête blanchie. Et il souhaite s'endormir bientôt du grand sommeil de la mort, comme a fait Mimith, comme a fait le centaurin, comme tous les autres feront un jour. Et alors, il n'y aura plus de centaure. Et cette image, qui hier lui eût semblé monstrueuse, voici que Clévorac l'envisage et qu'il ne peut plus la chasser de son esprit. Il fait un effort. Jamais, Cadilda, je ne te prescrirai l'amour contre ta volonté. Et toi, avant que les loups aient dévoré ma chair, tu ne rediras jamais les paroles que ma langue se refuse à répéter. Mais explique-moi ceci. Pourquoi le désir des mâles te fait-il horreur? Il n'y a plus rien de rude dans l'accent du chef. Et même Cadilda éprouve une tendre détresse de la douceur inaccoutumée de sa voix. Elle se presse davantage contre lui et essaie, avec des mots heurtés, de lui faire voir, de voir mieux elle-même, tant de choses obscures qui vivent en elle et contre lesquelles elle est impuissante à lutter. Elle dit la répulsion que lui inspire la brutalité joviale des jeunes mâles, leurs membres rudes et velus, leur peau rugueuse, l'odeur qui se dégage de leur corps. Certes, elle ne l'est point, mais l'idée seule de leur étreinte l'affole plus que ne ferait la poursuite des bêtes farouches. Et, effectivement, le vieux chef sent tout le corps de la Vierge frémir contre le sien. Il hoche la tête et soupire. Jamais un tel langage n'est sorti de la bouche d'une centauresse. Certes, Cadilda a le droit de repousser l'amour du premier venu, que ni sa carbatule le glabre, ni le gros cabalope ne lui agrée, nul ne s'en étonnera. Mais d'autres sont mieux faits pour lui plaire, à quelque point que sa beauté l'élève au-dessus de tous. Sa beauté, avec un rire aigu, Cadilda hausse les épaules. Et, plus âprement qu'elle n'a dit son horreur pour les mâles de sa race, elle raille tout ce que les centaures admirent en elle. Sa chevelure blonde est aussi grossière que la fourrure des vieilles faunesses. La peau de son visage est tannée par les soleils. Ses bras sont gros comme des cuisses de porc. Ses mains sont aussi épaisses et gauches que celles des tritons. Quoi de grotesque comme l'accouplement de ce bas corps massif et d'un torse grêle. Et d'ailleurs, le peuple aux six membres est un monstre dans la nature, qui n'en a donné que quatre à tout ce qui vit. Laide, elle est laide et difforme, plus que nul être au monde, et à ses yeux, les mâles de son peuple sont plus hideux de convoiter une créature pareille à celle dont l'onde lui renvoie l'image quand elle se penche au-dessus des flots. Et, soudain, Cadilda cache son visage. Elle éclate en sanglots et, entre ses doigts, le vieux centaure voit ruisseler des larmes. Et, cette fois, ce n'est point la colère, mais un effroi mystérieux qui saisit son esprit. À la fois de ce prodige jusqu'alors inconnu et aussi des pensées de sa fille, si étrange que malgré son effort, il n'arrive point entièrement à les concevoir, et de tant de présages affreux qui environnent son peuple. Il se tait. Dans le lointain, des hurlements sauvages disent le combat de Arc le Rude, qui dispute leur proie aux mangeurs de chair. Au matin, comme tant de fois, Cadilda, avant que son peuple soit éveillé, s'est échappée en assourdissant le bruit de ses pas. Les centaures se réjouissent de vivre côte à côte, de galoper ensemble à travers les forêts et d'échanger des propos folâtres. Le plaisir de Cadilda est contraire. En toute saison, mais particulièrement dans celle où l'amour échauffe les mâles, elle convoite la solitude. De deux jours l'un, il lui faut bien suivre la horde au champ de Réki. Mais le lendemain, elle s'enfuit à la première aube et erre tout le jour parmi les bois pour ne rentrer aux grottes rouges que quand le sommeil a éteint les désirs. Et, dans la splendeur paisible qui l'environne, elle goûte une joie suave et mélancolique. Parmi les plantes, les centaures ne recherchent que celles dont les racines ou les fruits sont propres à les nourrir. De loin, ils reconnaissent les fines nervures du réki, le feuillage argenté des oliviers, les ceps tordus des vignes, les prunelles, les glands doux, les fennes, les arbouses et toutes les sortes de champignons comestibles. Mais ils sont insoucieux des espèces qui ne leur sont point utiles et ils les foulent tous les brises indifféremment. Cadilda non plus ne distingue point toutes les plantes par des noms, car nulle mémoire ne saurait en retenir l'infini dénombrement. Mais elle les enveloppe toutes d'un même amour. Ce n'est point seulement pour riqueter sa nourriture qu'elle parcourt les forêts. C'est pour elle une douceur sans cesse renouvelée de se mêler à leur vie multiple. Elle sait quand les bourgeons commencent à verdir, dans quel ordre les fleurs se succèdent et la date de maturité des baies. Elle reconnaît les mousses, les herbes, les moindres fleurettes tapies dans les fourrés, se réjouit de leur naissance, admire leur épanouissement, s'attriste de leur mort. La splendeur variée des corolles lui procure des joies délicieuses. Rigides, tortueuses, souples, dures, élancées ou massives, toutes les tiges des plantes plaisent à son œil. Veloutées, lisses ou âpres, allongées ou brèves, tripartites ou entières, toutes les feuilles lui sont chères à la fois, chacune à cause de son charme particulier. Et, indéfiniment, elle contemplerait les jeux du soleil dans toutes les frondaisons, depuis la verdure sombre du mélèze ou du genévrier, jusqu'à l'éclat moiré des agrumes ou la pâleur de l'olivier. Et les bêtes, ses sœurs, lui tiennent au cœur de plus près encore. À tous ceux dont les petits se nourrissent de lait, les centaures ont donné le bienfait de la paix. Mais, robustes et hilares, ils n'ont point de grands égards pour leurs âmes timides. Et quelques craintes se mêlent à la confiance que leur vouent les hôtes des bois. Plus d'une fois, avec des clameurs qui l'affolent, les centaures, par manière de jeu, ont forcé à la course Pilta la peureuse, et les longues oreilles de Tutule ont, à maintes reprises, subi le contact de leurs mains rudes. Mais toutes les bêtes ont appris à connaître Cadilda. Jamais la Vierge ne les molesta ni ne se joua de leur naïveté. Aussi, dès que se profile dans les sous-bois sa silhouette blanche, toutes se pressent à sa rencontre. Confiants, Axor et sa biche, les chevreuils et leurs chevrettes viennent lui tendre leurs mufles noirs, et les fonds à la peau mouchetée bondissent d'allégresse autour d'eux. Les grands bœufs blancs, qui ruminent, lèvent le cou quand elle surgit et la saluent d'un meuglement. À son aspect, Tutule et ses petits au nez bougillon ne guignent pas la rabouillère. Mais ils continuent à bâiller, à muser à droite, à gauche, à lisser leurs poils de leurs pattes, où, tout à coup, jusqu'entre les jambes de la centauresse complaisante, ils se poursuivent avec des ruades comiques. Les mangeurs de chair, eux-mêmes, qui d'habitude n'aiment point s'approcher du peuple aussi membre, la toisent sans haine. Quand Cadilda passe auprès du lito, Herta, la louve grise, ne hérisse pas son poil et ne découvre pas ses crocs, mais elle demeure couchée et remue la queue. Et l'auroch farouche la suit des yeux sans colère. C'est que tous ont éprouvé que l'âme de Cadilda est sans malice. Elle leur parle avec une voix douce et toujours ses mains sont pleines de caresses. Et s'ils ne comprennent point toutes ces paroles, ils savent pourtant que son cœur est avec eux. Nous t'aimons, il est doux de vivre, le bois sent bon, tu es avec nous, nous t'aimons. Tel est le langage de leurs yeux. Jamais Cadilda n'a trompé leur attente. Elle sait venir en aide à chacun, selon sa race. Quand, dans la saison du rut, les cerfs se livrent de furieux combats, souvent leurs andouillés demeurent entrelacés, et, malgré leurs efforts, ils n'arrivent pas à se dégager. C'est pour eux la mort certaine. Cadilda, plus d'une fois, a entendu leurs raiments désespérés et, patiente, les a délivrés de l'étreinte fatale. Elle a contraint bien souvent Volpe, le voleur, à déguerpir du terrier usurpé de crâne, le blaireau. Elle a indiqué à Mum le pesant les plus pures sources où calmer sa soif. Il n'est pas jusqu'à Raram, le jaguar aux yeux verts, qui n'ait adouci pour elle son humeur quinteuse. Raram souffre cruellement des épines qui pénètrent dans la peau satinée de ses pattes. Un jour qu'il boitait bas et laissait des traces sanglantes derrière lui, il s'est affalé sur la mousse, miaulant de douleur. Sans s'effrayer des battements de sa queue et de ses crachements nerveux, Cadilda a examiné ses paumes, l'une après l'autre, en a retiré les dards empoisonnés. Et Raram a été ahuri de s'apercevoir tout à coup qu'il ronronnait. Au-delà des portes mamelles, jusque sur les oiseaux babillards, Cadilda étend sa tendresse. Combien d'oisillons, nus et criards, elle a ramassés sous les buissons et replacés dans l'abri moelleux des nids. Combien de fois elle a mis en déroute la belette vorace, la fouine et le furet. Malgré le craquement des herbes sous son poids lourd, les hôtes ailés des arbres ont désappris de s'enfuir à son approche. Et c'est un spectacle étrange de voir, dans les sentes de la forêt, cheminait la centauresse, le bras passé autour du cou d'Axor. Herta la louve de l'autre côté, puis l'escorte de ses louvards, et, par derrière, le petit peuple aux longues oreilles. Tandis que les écureuils et les macaques s'élancent à la suite d'arbre en arbre, et qu'autour de sa tête volette le tourbillon multicolore et babillard des fauvettes, des rouges-gorges, des mésanges, des bergeronnettes et de tous les oiseaux chanteurs des bois, qui, de temps en temps, s'abattent sur sa croupe ou sur ses épaules. Mais il est un lieu où les jarrets de la centauresse l'emportent comme malgré elle. Pendant de longs mois, après le soir terrible où les centaures exterminèrent la tribu des écorchés, Cadilda n'est point retournée vers la clairière au châtaignier. Quand, par hasard, elle s'apercevait que ses courses errantes l'en rapprochaient, elle s'arrêtait et changeait de route. C'est que le temps qui recouvre toute chose d'une brume grise laissait trop vivant en elle le souvenir de la lutte nocturne, des râles, des corps écrasés sous les sabots, du sang jaillissant de toutes parts, de Naram, pâle et nu, brandissant le feu, et puis s'enfonçant dans la nuit sous les cataractes des cieux crevés. Toutes ces images se dressaient si nettes devant la Vierge que la seule idée de revoir le lieu de tant de catastrophes lui serrait le cœur à la faire crier. Et puis, un beau jour, sans savoir comment, elle s'est trouvée près de la rivière aux cygnes. Et, tout à coup, d'un amble décidé, elle s'est dirigée vers la clairière, étonnée d'avoir pu vivre si longtemps loin d'elle. Sans une hésitation, traversant un à un les bosquets de saules, d'aulnes et de coudriers, qui, depuis son dernier passage, avaient changé leur feuillage et reverdi, elle écartait du poitrail les taillis et les fougères et s'arrêtait devant la place où jadis s'élevaient les grottes industrieuses des hommes. Sous les châtaigniers, les herbes avaient repoussé plus hautes. Pourtant, çà et là, entre les tiges, des monticules de branchages et de chaumes se devinaient encore. Le tronc desséché demeurait gisant, à demi calciné, par-dessus lequel Naram avait bondi en s'enfuyant. Cadilda apercevait à ses pieds toutes sortes de débris qui lui redisaient le passé. Des ossements parsemaient l'herbe grasse. Rongés d'abord par les fauves, les fourmis avaient achevé de les dépouiller. Et puis les pluies d'hiver les avaient lavés. Ils reposaient, polis et brillants, parmi d'autres objets. Toisons à demi pourris, silex emmanchés dans des bâtons, massues, morceaux de pierre et d'ivoire taillés, écorces bizarres, lianes telles qu'il n'en existe point dans la brousse, tous produits de l'art compliqué des hommes. Et d'abord, Cadilda n'osait point toucher à ces choses, car il est avéré que tout ce qui vient des écorchés est impur. Mais à mesure que plus souvent elle est retournée dans la clairière et qu'elle s'est davantage détachée des coutumes de sa race, elle a oublié ses craintes. Et bientôt, c'est devenu sa joie de rechercher parmi la verdure luxuriante et parmi les ruines des chaumières tous les débris qu'ont jadis maniés les frères de Naram, que peut-être lui-même a effleurés de ses doigts. Au creux du châtaignier foudroyé, elle a, peu à peu, assemblé un petit trésor des objets qui lui paraissaient les plus précieux. Et c'est avec un tremblement de plaisir qu'elle les saisit tour à tour, les considère et, très soigneusement, les remet en place. Parmi les inventions des hommes, il en est beaucoup dont la subtilité déconcerte l'esprit de la centauresse. Mais elle ne se lasse pas de faire couler entre ses doigts les rondeurs d'un collier de graines enfilées. Elle a aussi trouvé des bois sculptés, des bracelets, des sandales de cuir et des vases qui brillent au soleil. Dans les mèches emmêlées de ses cheveux, elle passe et repasse avec délice un petit peigne en bois, comme elle a vu faire aux pâles femelles. mais le joyau de sa collection est un morceau d'une blancheur éclatante sur lequel sont gravées des empreintes. Longtemps, Cadilda a ignoré sa véritable valeur et elle l'aimait seulement à cause de son éclat poli. Mais voici qu'un jour elle a fait une découverte merveilleuse. Lorsqu'elle le tient d'une certaine manière, les traits dont il est creusé offrent deux figures. L'une est celle d'un écorché aux membres grêles et l'autre celle d'un centaure. Ce n'est pas tout de suite que Cadilda a discerné ce prodige. Bien des fois, elle n'a plus su retrouver sur le morceau d'os les silhouettes qu'elle avait cru y voir. Mais maintenant, son œil s'est habitué. Du premier coup, elle tient l'ornement comme il faut et, indéfiniment, contemple les traits qu'a gravés la main habile d'un écorché et où la Vierge veut reconnaître sa propre image et celle de Naram. Aussi, chaque fois qu'elle vient à la clairière, c'est l'os sculpté qu'elle retire d'abord de sa cachette. C'est lui, aujourd'hui, qu'elle se réjouit de contempler le premier. Mais une surprise l'attend quand elle débouche sous les châtaigniers. Voici qu'un autre visiteur l'a précédé. Il est adossé à la souche de bois mort. Au bruit des feuilles qui craquent, il relève la tête et Cadilda reconnaît le visage de Pirip. Pirip a passé l'âge de la force suprême. Sa barbiche s'allonge et grisonne. Entre ses cornes, sa tignasse hirsute est semée de poils blancs et les plis de sa face sont plus profonds. Plusieurs fois, Cadilda a remarqué ses traces aux environs de la rivière, mais elle n'a point imaginé qu'un jour elle le rencontrerait au lieu même qui est devenu pour elle une retraite sacrée. Et soudain, le rouge de la colère monte à ses joues. Voici qu'entre ses mains elle avise le fragment précieux qu'impudent il a osé retirer de sa cachette. D'une voix de menace, elle l'interpelle. « Pirip, donne-moi cette image !» Le faune répond, les yeux rêveurs. « Cadilda, bien des fois je t'ai aperçu sur ce chemin. Toi et moi pouvons nous y rencontrer, ne t'en attriste pas. Ensemble, si tu le veux, nous ferons vivantes les choses mortes. » La voix du faune est très douce. L'âge a amorti chez lui les passions. Et Cadilda sent s'évanouir la méfiance qui d'abord l'a mise en garde. Comme se parlant à lui-même, le pied de bouc l'interroge. « Quelle est ta pensée au sujet de ceux qui vécurent en ces lieux ?» La centauresse le regarde indécise. Il est difficile de répondre à de telles questions. Et, machinalement, tout d'abord, elle répète les formules que, d'âge en âge, les centaures se transmettent pour maudire les écorchés. Et puis, tout à coup, elle s'arrête. Un centaure ne ment point. Or, voici que la tradition de ses frères parle d'une manière et que l'esprit qui est en elle lui suggère d'autres mots. Mais comment expliquerait-elle à Pirip ce qui se passe dans son cœur, ce qu'elle-même ne conçoit point clairement? Elle se tait, réfléchit et, enfin, se décidant, « Pirip, je ne suis qu'une centauresse encore inexpérimentée, mais toi, que t'inspire ta sagesse ?» Le faune balance plusieurs fois la tête sur ses épaules, se gratte la cuisse, regarde autour de lui, et dit à mi-voix, je te confierai un grand secret. Ceux-ci sont plus puissants que nous. Ils vivront et nous mourrons. » Cadilda pense choir de surprise. Elle se rappelle la frêle stature de Naram et combien, depuis des temps immémoriaux, la force des centaures fut souveraine. Est-ce le plus vil des vivants qui serait capable de l'abattre? Pirip a-t-il perdu la raison? Mais le faune poursuit. Le peuple des écorchés est infini. Par-delà les montagnes, aux vallées où vivaient jadis les animaux nobles, se pressent leurs tribus. Nul n'en concevrait le nombre. Debout, les uns à côté des autres, ils couvriraient tout l'espace qui sépare les gorges rouges de la rivière aux cygnes. Et dans d'autres régions, il y en a encore davantage, et ainsi de suite. Leurs femelles enfantent en toute saison. Protégés par les peaux dont ils se couvrent, ils bravent impunément le froid et le chaud. Parce qu'ils mangent de toutes choses, toute contrée leur est propice. En tous les lieux que quittèrent les centaures, ils apparurent et pullulèrent. Et la subtilité de leur esprit est incroyable. Mais Cadilda répond, pleine de la fierté de sa race. De tous les vivants, nul n'a le cœur plus robuste et l'esprit plus ingénieux que le peuple aussi membre. Du doigt, le faune désigne l'os poli où furent gravées la forme d'un centaure et celle d'un écorché. Lequel de tes frères connaît l'art de tracer de tels signes? Et comme Cadilda, déconcertée, se tait, il poursuit. Crois-moi, l'intelligence de l'écorché est la plus déliée. Elle pénètre ce qui nous apparaît obscur et remarque ce que nous n'apercevons point. Quand hier est mort, les animaux rois n'en ont cure. Ils ne s'occupent que d'aujourd'hui. Et qui songerait à demain? Mais l'esprit de l'écorché est triple. Il voit hier, aujourd'hui et demain. Et un jour viendra où il sera roi, par-dessus les animaux rois. Une angoisse saisit Cadilda. Les sentences de Pyrrhippe ressemblent à des pensées qui souvent se levèrent en elle. Et elle murmure oppressée. Pyrrhippe, n'as-tu point de peur? Mais Pyrrhippe redresse la tête et passe sa main dans sa barbe. Ses yeux brillent, un large rire ouvre sa bouche. Pourquoi aurais-je peur? Pyrrhippe et Pyrrhippe, les choses de demain ne m'appartiennent point. Mes pensées sont pareilles à des papillons éclatants qui vont, viennent et s'envolent. Le plaisir de mon peuple est de souffler dans des roseaux, de s'enivrer du suc de la vigne, de danser éperdument sur les pelouses et de se réjouir de toute beauté. Qu'importe demain si aujourd'hui j'ai une joie? Et sais-tu, Cadilda, les femelles des hommes sont très belles. Un jour, Sadyonx et moi, nous en vîmes une qui dormait et notre désir fut satisfait. À cause de notre action, le sang coula. Cadilda, je voudrais revoir les femelles des hommes. Je te le dis à l'oreille, celles de mon peuple offensent ma délicatesse. Et Cadilda se met à rire. Mais au lieu qu'elle se scandalise des goûts répugnants du faune, elle en ressent une sorte de joie secrète. Et malgré elle, rougissant toute seule, elle laisse sa pensée retourner à l'enfant Naram. Lequel des centaures a sa voix mélodieuse, sa main délicate et son œil bleu. Jamais les paroles de Pyrrhippe ne la touchèrent tant, et elle voudrait l'interroger encore. Mais l'attention du faune est envolée. Les yeux au ciel, dodelinant de la tête, les bras croisés sur ses genoux pointus, il chante. Tour à tour, en phrases incohérentes, il célèbre la beauté des prés et des bois. L'éclat du soleil, la saveur de l'olive et celle du raisin, et les faunesses au cymbis et à la caresse lascive. Mais la femme est plus belle que les campagnes en fleurs, plus rayonnante que le soleil, plus douce que les vignes et plus voluptueuse que les faunesses. Pyrrhippe se dandine en mesure sur ses jambes de bouc, enivrée de son propre chant. Cadilda renonce à l'arracher à son extase. Aussi bien, d'avoir ainsi concentré sa pensée, elle-même sent la lassitude la gagner. Elle abandonne Pyrrhippe et quitte la clairière. Mais dans les jours qui suivent, bien souvent, elle reprend le même chemin. Et plusieurs fois, elle retrouve le faune auprès du tronc foudroyé. Ensemble, ils examinent les objets précieux, les palpes et, longuement, échangent des remarques ingénieuses. Et ainsi, peu à peu, une amitié insolite naît entre eux parce qu'un sentiment secret les unit. Cependant, les saisons ruissellent tour à tour, et tout ce qui vit s'achemine selon la volonté obscure du devenir.